Plage 4, l'amour. L'amour est sans doute le thème le plus important de nos existences. Sans amour, il n'y a pas de but profond à ce que nous entreprenons dans la vie. C'est pour cette raison que j'ai décidé de débuter par ce thème. Vous aussi, comme chacun, vous méritez d'aimer et d'être aimé. Par votre famille, votre conjoint, vos amis, vos relations sociales. Mais le plus important, le plus libérateur, c'est de vous aimer, vous, et de comprendre que vous méritez ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Les seules limites à cet amour inconditionnel envers vous-même résident dans vos programmations. Alors changeons-les ensemble. Gardez les yeux fermés et une respiration profonde. Pour commencer, je vais vous demander de visualiser la maison ou l'appartement de votre enfance. Celle dans laquelle vous avez le plus vécu. Celle qui vous a le plus marqué. Dans laquelle vous avez le plus de souvenirs. Revoyez chaque pièce. Votre chambre. Le salon, la cuisine, le couloir. Revisitez-la. Imprégnez-vous des couleurs, mais aussi des odeurs. Oui, comme ça. Continuez. Baladez-vous dans cette maison. À présent, je vous demande de vous diriger en direction de votre chambre d'enfant. Restez à l'entrée. Là, assis sur son lit, il y a votre vous, alors que vous aviez entre 1 et 12 ans. Il a l'air triste. Il s'ennuie. Il a la tête baissée. Ressentez son humeur maussade. Il se sent seul. Vous discernez qu'il a besoin d'une preuve d'affection, d'un gros câlin réconfortant, d'une preuve d'amour, qu'il a envie d'être pris dans les bras de son père et de sa mère. Voyez-le sortir de la chambre, tranquillement. Il emprunte le couloir et se dirige vers la cuisine. Là, vos parents ou vos éducateurs sont en train de préparer le repas du soir. Ils sont très affairés. Observez bien la scène. Sentez les odeurs du souper qui mijote. Écoutez les bruits de casseroles, de couverts, d'aliments qu'on coupe sur la planche en bois. Votre jeune vous s'approche de votre mère. Tire sur le bas de sa robe pour attirer son attention et lui tend les bras. Votre mère lui dit « Tu vois bien que je suis occupée à préparer le repas. Tu m'embêtes, laisse-moi tranquille. Trouve-toi une activité. » L'enfant, déçu et triste, va vers son père, lui tend les bras et celui-ci lui dit « Tu n'as pas entendu ce que ta mère t'a dit? On n'a pas le temps, on est occupé. Allez, va faire un tour, laisse-nous tranquille, on t'appellera pour manger. Allez, allez, allez !» L'enfant reste dans un coin de la cuisine, à les regarder. Il est triste. Quelques larmes coulent sur ses joues. Il a du chagrin d'avoir été repoussé par ses parents. Il a l'impression que ses parents ne l'aiment pas, qu'ils ne font pas attention à lui quand il a besoin d'eux. Il se sent seul au monde, incapable de faire quoi que ce soit sans avoir reçu le câlin tant attendu de la part de ses parents. Vous êtes triste pour lui. Votre vous adulte s'approche de l'enfant que vous étiez à cette époque. À partir de maintenant, je vous demande de tapoter vos cuisses avec vos mains, doucement, mais fermement, tout en continuant la visualisation. La main droite tapote la cuisse droite, et la main gauche tapote la cuisse gauche. Alternativement, droite, gauche, droite, gauche. Respectez le rythme qui vous est indiqué jusqu'à ce que je vous dise d'arrêter. À présent, vous vous accroupissez devant l'enfant. Vous le prenez dans vos bras et lui donnez le câlin qu'il attendait. Vous le réconfortez. Vous l'aidez à sécher ses larmes avec toute votre tendresse et votre amour, en n'oubliant pas qu'il est la personne que vous étiez il y a quelques dizaines d'années. Continuez à le serrer dans vos bras. Vous vous relevez et le prenez par la main. Vous l'amenez devant vos parents qui se sont arrêtés de cuisiner. Ils s'accroupissent devant l'enfant et ils l'embrassent. Puis, votre mère lui dit « Tu sais, nous sommes très occupés à préparer à manger, tout comme nous sommes très occupés à travailler. Mais nous t'aimons si fort. » Ressentez la joie et le soulagement de l'enfant. Puis elle continue. C'est même pour cette raison que nous sommes occupés. C'est pour gagner de l'argent, afin que tu aies tout ce dont tu as besoin pour vivre. À manger, des beaux habits, des jouets, des activités. Tout ça, c'est parce que nous t'aimons plus que tout au monde. Tu es la personne la plus importante pour nous, et nous t'aimerons toujours, quoi qu'il arrive. Voyez et ressentez votre enfant de l'époque comprendre ce que sa mère lui a expliqué. Voyez son visage s'illuminer. Ressentez le poids de l'angoisse s'éloigner et être remplacé par une douce légèreté. Il a à présent un grand sourire aux lèvres. Sa mère le serre très fortement dans ses bras. Elle l'embrasse. Remémorez-vous l'odeur de votre mère à l'époque de votre enfance. Ressentez le grain de sa peau sur la vôtre, alors qu'elle étreint l'enfant que vous étiez. Ressentez tout ceci et tout le réconfort. La sécurité et l'amour qui se dégagent d'elle. Profitez-en. Et elle rajoute « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime si fort, mon chéri. » C'est au tour de votre père de faire la même chose à votre jeune vous-même. Serrez-le dans vos bras. Embrassez-le. Sentez-le. Ressentez-le. Regardez-le. Et votre père lui déclare « Moi aussi, je t'aime plus fort que tout. Et je t'aimerai. Et je te protégerai aussi longtemps que je le pourrai. » Profitez encore de cet instant, de ce beau moment, empreint d'amour inconditionnel avec vos parents. À présent, l'adulte que vous êtes vient chercher l'enfant et le conduit à l'extérieur de la cuisine et le ramène dans sa chambre. Vous vous accroupissez devant lui. Vous le regardez droit dans les yeux en captant bien son regard pour lui dire « Tu seras toujours aimé par tes parents, par ta famille, par plein de personnes, mais surtout par moi. » Plus tard, je te promets que tu rencontreras une personne que tu aimeras et qui t'aimera, car tu es une personne merveilleuse. Avec elle, tu vivras dans l'amour, la paix, l'harmonie, la fidélité, la confiance, le bonheur. Tu le mérites tellement. Tu seras une personne qui s'aime et qui aime les autres autant qu'elle est aimée. Voyez le visage de l'enfant s'illuminer. Ses traits se détendent. Il est heureux. Il est confiant. Votre vous adulte reprend. Mais plus que tout au monde, moi aussi je t'aime. Et je te promets que je prendrai toujours soin de toi et que je ferai tout pour te rendre heureux, pour que tu te sentes bien, en sécurité, rempli d'amour. Je serai toujours là pour toi. Et pour cela, il faut que tu me fasses confiance. Me fais-tu confiance ? L'enfant vous regarde, attendri et heureux. Il vous répond que oui, qu'il a confiance. Alors, vous étreignez fortement l'enfant. Vous le serrez dans vos bras. Vous lui transmettez tout votre amour. Vous l'embrassez. Voyez et ressentez comme il est heureux, confiant, et à quel point il se sent aimé à jamais, et vous aussi. À présent, vous arrêtez de tapoter vos cuisses avec vos mains. Vous embrassez une dernière fois pour aujourd'hui l'enfant que vous étiez. Vous le laissez tranquillement dans sa chambre. Il vous regarde partir, arborant un grand sourire, rempli d'amour, de confiance et de reconnaissance. Faites-lui au revoir de la main. Vous vous rendez jusqu'à la porte principale de la maison et vous sortez. Voilà, vos amours n'auront plus rien à voir avec ceux que vous avez pu vivre jusqu'ici. Et les effets qu'ils ont pu avoir ne vous atteindront plus. Tout est corrigé. Vous êtes prêt pour vous aimer, aimer et être aimé, inconditionnellement. Si vous désirez poursuivre le travail avec cet enregistrement, alors gardez les yeux fermés, continuez à respirer profondément encore quelques secondes. Si vous souhaitez arrêter votre séance maintenant et poursuivre le travail à un autre moment, alors vous reprenez une respiration plus normale et vous revenez ici et maintenant sur le décompte. 5. 4, 3, 2, 1. Ouvrez les yeux tranquillement si vous le souhaitez. Prenez votre temps pour reprendre le contact avec la réalité immédiate. Restez dans cet état de sérénité encore un moment.